plus de 750 000 décès par an, c'est l'animal le plus mortel pour l'homme. Il est présent sur tous les continents hormis l'Antarctique. Il est le vecteur de multiples maladies sévères dont certaines sont mortelles. C'est par ailleurs la pire plaie de vos étés, un ennemi intime qui peut transformer une nuit idyllique en cauchemar. Il ne connaît aucune frontière, se répand dans des zones climatiques qui n'étaient pas les siennes, a un facteur élevé de mutabilité qui le rend rapidement résistant aux insecticides qui le menacent. Bref, le moustique est une plaie mondiale, à tel point que se pose la question de son éradication de la planète. Une éradication qui pourrait malgré tout faire plus de mal que de bien. Des moustiques et des hommes, c'est cette relation problématique que nous allons essayer de dénouer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette relation de haine, mais aussi un peu d'amour caché très loin, quelque part, entre les moustiques et l'humanité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Orsenna, bonjour. Bonjour. Écrivain, membre de l'Académie française, vous publiez avec Isabelle de Saint-Aubin, Géopolitique du moustique, petit précis de Mondialisation 4 chez Fayard. Nous avons le plaisir également d'accueillir aujourd'hui François Rodin, bonjour. Bonjour. Vous êtes entomologiste médical, professeur honoraire à l'Institut Pasteur. Et vous publiez pour votre part Le parasite, le moustique, l'homme et les autres, essai sur l'éco-épidémiologie des maladies à vecteurs aux éditions Docis. Vous pouvez suivre, eh bien, comme chaque jour, cette émission en parallèle sur notre fil Twitter @laméthodefc. Ceci étant dit, Éric Orsenna, pour commencer par vous, après donc le coton, après l'eau, après le papier, pourquoi le moustique ? En quoi le moustique nous parle-t-il de la mondialisation ? Parce que justement, j'essaye de comprendre comment notre planète fonctionne. Donc je voulais parler de la santé. Et moi je ne suis pas un essayiste, mais je suis un reporter et un romancier. Donc j'avais besoin d'un personnage. Et j'ai trouvé assez vite que le meilleur des personnages, c'était le moustique. Comme en plus j'avais encore jamais écrit de roman policier, là je trouvais un meurtrier, en tout cas un complice de meurtre ou un recel de meurtrier, et donc cette histoire m'a absolument passionné. Comment est-ce qu'on s'empare d'un sujet comme ça, l'entomologie, on va en parler avec François Rodin, est une discipline assez particulière, très spécialisée. Comment est-ce que vous avez travaillé au corps ce moustique meurtrier ? Eh bien, il se trouve que je suis au fauteuil de Pasteur à l'Académie française, donc j'ai écrit une biographie de Pasteur, et des liens se sont créés avec l'Institut Pasteur, dont je suis devenu ambassadeur. Et donc, dès que j'ai eu cette idée, j'ai pris des cours. Parce que moi, je suis un étudiant permanent. Alors, j'ai pris des cours avec Anna Bella Fayou, qui est la responsable de ces questions à l'Institut Pasteur. Que l'on va entendre dans quelques minutes. Et qui est une des élèves du maître absolu, qui est François Rodin, que vous avez invité. François. Donc, je suis doublement intimidé parce que je suis, au fond, le disciple de la disciple du maître qui est ici. François Rodin, que vous décrivez, que vous citez bien sûr dans le livre, vous le décrivez comme un incomparable formateur, inlassable, éveilleur de curiosité. François Rodin, quel bel hommage. C'est un bel hommage, en effet. Merci de m'avoir convié pour parler de ces moustiques. C'est dommage, personne ne les aime, les moustiques. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu gênants, vous l'avez souligné, mais personne ne les aime et pourtant, ils méritent qu'on s'intéresse à eux. Et je remercie Éric Orsenna parce qu'il lui a témoigné un peu de sympathie à ce moustique. Un peu d'amour, finalement, hein, ce que vous disiez au tout début. Un peu d'amour, on pourrait presque le dire. Oui, oui, absolument. Moi, je suis une dame moustique. Vous savez, les romanciers ne sont pas très certains de leur réalité. Donc, ils se mettent facilement dans la peau des autres. Donc, je suis devenu une femelle moustique. L'histoire ne dit pas si vous avez bu du sang pour écrire ce livre. Peut-être vous nous le direz-vous au cours de cette heure. Vous déplorez, Éric Orsenna, un manque d'enthousiasme pour l'entomologie médicale. Je vous cite un page 68. « Indifférence, fille du mépris, cette morgue imbécile qui fait croire à l'homme qu'il n'est pas un animal comme les autres. Vive, oui, vive l'entomologie. » Et d'abord parce qu'elle sait combien les frontières du vivant sont poreuses. Mais oui, parce que on a toujours cette fantasme de la maîtrise. de la maîtrise de la nature, de la maîtrise des maladies. Et on s'exonère comme ça de cet effort qui est de dire que nous n'avons pas le monopole de la vie, qu'il y a d'autres espèces vivantes qui ont aussi une part de la vie, et que les médicaments qui sont efficaces partout, tout le temps, pour tout le monde, ça n'existe pas. On le voit avec les antibiotiques. Pourquoi ? Parce que les autres espèces vivantes qui participent à cette immense aventure commune d'associer qui est la vie, ils ont droit à l'existence. Donc ils résistent, donc ils mutent. Et donc, à la fin, ils s'adaptent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au fond un phénomène de cohabitation. Notre planète est une planète d'associés, pas de dominateurs et d'esclaves. Mmh. Parce qu'ils ont en plus le temps, puisque les moustiques existent depuis 250 millions d'années et les insectes existent depuis 400 millions d'années. Que la vie existe depuis 4 milliards 500 millions d'années et nous existons. Ça, c'est sujet à débat un peu, les 4 milliards 500 millions d'années de la vie. En gros, vous n'allez pas me chicaner pour 100 millions d'années. Disons 4 milliards. Alors, disons 4 milliards. 4 milliards. Vous savez comme vous chicanez ici à France Culture. Disons 4 milliards. Dans la méthode scientifique, essaie d'être précis sur, sur les origines de la vie. Voilà. Disons 4 milliards. On se met d'accord sur 4 milliards. Donc, on peut dire que c'est quand même une opération qui dure depuis longtemps. Et nous n'existons. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec 7 millions d'années pour Toumaï ? Ah, pour Toumaï, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que Toumaï est le premier homme ? Non, mais alors, c'est une autre question. On peut en discuter pendant une heure. On en a discuté pendant une heure et c'était même pas assez. Donc, ça, je vais certainement pas vous apporter une réponse catégorique en quelques secondes. François Rodin, est-ce que vous vous sentez mal aimé en tant qu'entomologiste médical ? Oh non, on n'est pas mal aimé. On est regardé un peu comme des bêtes curieuses. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais l'entomologie, c'est vrai que c'est une discipline qui d'abord est extrêmement vaste. Parce que tout de même, les insectes, ça représente 80% des animaux. Mmh. De sorte que, en toute logique, 80% des zoologistes devraient être des entomologistes. Et ce sont des bêtes, plus on les regarde, plus on les étudie, plus on les trouve absolument extraordinaires. Donc il faut un peu les aimer, ils le méritent encore une fois. Mais l'affaire qui nous occupe est pas neuve. Hein. Nous avons retrouvé dans l'Ambre, par exemple, des insectes fossiles, des moustiques qui sont apparemment, morphologiquement, tout à fait semblables aux moustiques actuels. Autrement dit, c'est vraiment une affaire de longue haleine. Et donc tous ces insectes-là ont eu des millions d'années pour s'acoquiner, si je puis dire, avec des agents infectieux et avec des vertébrés et transmettre les agents infectieux d'un animal à un animal, d'un animal à un homme à partir de Toumaï ou à peu près, d'homme à homme maintenant, etc. C'est une affaire qui marche, manifestement. C'est une histoire d'amour, on y revient. Et c'est un ménage à trois. C'est un ménage à trois entre le vertébré dont on a besoin, parce qu'on a besoin de son sang, entre l'hôte qui est le vecteur, et puis on appelle de manière générale parasite, mais au fond, ça peut être un protozoaire, une toute petite bête, soit ça peut être un virus. François Rodin, un peu de phylogénétique. Les premiers moustiques, on dit 250 millions d'années. À partir de quel moment il apparaît dans sa forme contemporaine ? D'où il vient ? Quels sont les arthropodes précédents ? Et sont-ce déjà des arthropodes ? Racontez-nous un peu l'arbre génétique, l'histoire de famille du moustique. On ne sait pas très bien d'où ils viennent, bien entendu. Mais il y avait des arthropodes, effectivement, bien avant. Les arthropodes, je me permets tout de même de le préciser, c'est un énorme groupe d'animaux qui rassemble les insectes, les acariens, les crustacés, les langoustes, etc., les myriapodes, enfin bref, un énorme ensemble d'animaux articulés. Et donc, au sein de cet ensemble, se sont différenciés des insectes, au sein des insectes, se sont différenciés des moustiques, comme je le disais il y a un instant. Il y a au moins 60 millions d'années que nous avons des moustiques sous la forme qu'ils ont actuellement. Donc c'est une histoire vraiment très, très ancienne qui a subi tous les aléas de l'évolution naturelle et puis les sélections et puis les mutations et puis etc. jusqu'à la situation qui est celle que nous constatons aujourd'hui avec à peu près 3500 espèces de moustiques connues. On en découvre des nouveaux presque chaque jour. Donc c'est pas une histoire terminée, mais ça veut dire qu'il faut vraiment développer beaucoup d'efforts pour les connaître. Parce que si on ne les connaît pas, si on ne sait pas la façon dont leur mode de vie, entre autres leur écologie, on ne pourra jamais comprendre les modalités de la transmission des maladies qui nous intéressent. Et on ne pourra jamais bâtir un système de prévention contre ces maladies qui soit efficace, car dans beaucoup de cas, la prévention passe par le contrôle du vecteur, donc du moustique. Éric Orsena, vous n'êtes pas intéressé particulièrement à cette histoire évolutive. Vous ne vouliez pas faire une enquête temporelle tellement sur le moustique. Ce qui vous intéressait, c'était le moustique aujourd'hui, dans la contemporanéité et de ce qu'il dit. Est-ce que vous pensez par exemple que le moustique est un des fléaux ou un des aspects négatifs de la modernité, de la mondialisation? Oui, puisque dans des étapes antérieures, les populations d'êtres humains et les populations d'animaux étaient chacun dans un domaine avec assez peu de relations. On dit que la première véritable épidémie s'est produite 8000 ans avant aujourd'hui, au moment du néolithique. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là où l'agriculture a été changée et au lieu d'avoir des préleveurs, cueilleurs comme ça, qu'il y avait, chasseurs, cueilleurs, les humains se sont arrêtés, ont commencé à cultiver, donc à défricher et ont commencé à élever. Donc ils ont été en relation plus directe et plus permanente avec les animaux. Et donc les aires de vie se sont comme ça rencontrées, chevauchées. Et donc ce qui m'a passionné, c'est l'épidémiologie aussi, c'est-à-dire les naissances des épidémies. Il y en a eu des épidémies terribles qui ont assez souvent le même mécanisme, c'est-à-dire vous êtes dans un endroit et puis vous commencez à défricher. Donc vous entrez dans le territoire d'animaux. Ces animaux, ça peut être des rongeurs, et ces rongeurs, ils vivent très bien avec des parasites, parce qu'ils ont développé des mécanismes d'immunologie, et et ça se passe assez bien. Sauf qu'on commence à broyer les rongeurs, et on projette dans l'air, ça s'est passé en Argentine, ça s'est passé en Corée, on projette dans l'air des petits morceaux de virus qui infectent les êtres humains qui n'ont pas du tout développé les mêmes processus. Donc vous voyez, là il y a des connexions qui sont faites. Et ça s'est passé avec les virus, et s'est passé évidemment dans le mécanisme de la fièvre jaune. Un mot pour continuer à parler un peu de ce moustique et à le définir. François Rodin, donc vous l'avez dit, 3500 espèces environ, toutes ne piquent pas, loin s'en faut. Toutes ne piquent pas, bien sûr. D'abord, c'est même une minorité. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a que les femelles déjà qui piquent, les mâles ne piquent jamais, bon, ça c'est clair, ils ne prennent pas de sang, ils n'en ont pas besoin. On me dirait pourquoi les femelles piquent. Les femelles piquent pour prélever du sang par conséquent, et ça leur sert un petit peu à la nourriture, mais elles n'en ont pas vraiment besoin, mais ça leur sert surtout à assurer la maturation de leurs œufs et donc à se reproduire. Donc c'est évidemment essentiel. Mais ceci dit, effectivement, toutes ne piquent pas. Il y a pas mal d'espèces de moustiques qui ne sont pas hématophages, comme on dit, c'est-à-dire qui ne prélèvent pas de sang sur des vertébrés. Donc, uniquement les espèces hématophages nous intéressent, nous, bien entendu. Il y en aura 300 à peu près, c'est ça ? Oh, il y en a plus que ça. Plus que ça ? Oh, il y en a beaucoup plus que ça. La plupart sont hématophages. Mais elles ne piquent pas tout l'homme, bien sûr. Parce qu'un moustique femelle, ça ne pique pas n'importe quoi. Ça choisit sa nourriture. Elles sont parfois difficiles. Il y en a qui ne sont pas très difficiles, qui piquent des animaux très très variés, depuis des chauves-souris jusqu'à des vaches et éventuellement des hommes. Et il y en a quelques-unes qui se sont très bien adaptées à l'environnement humain et qui ne piquent pratiquement que de l'homme. Et qui vivent même en ville, parce que les maladies transmises par des insectes, comme ça, on a toujours l'impression que c'est des choses qui se passent dans la brousse, dans la campagne, etc. C'est pas forcément vrai. Il y a des maladies à vecteurs, maintenant, en pleine ville. Parlez-nous en quelques mots, peut-être résumez-nous le cycle de vie, justement, d'un moustique, à partir du moment où Dame Moustique a prélevé du sang. Que se passe-t-il jusqu'à l'éclosion de la ponte ? Ah ben voilà, elle utilise son sang, elle digère son sang qu'elle a accumulé dans son tube digestif, et puis toutes les substances intéressantes, les protéines, etc., qui vont qu'elle prélève, donc vont assurer la maturation des œufs qui sont en gestation en quelque sorte dans ses ovaires. Ce qui veut dire que quelques jours plus tard, elle va effectuer une ponte. Elle pond d'un coup. Ça dépend des espèces, mais disons 100-200 œufs, qu'elle va déposer en général dans ce qu'on appelle un gîte, c'est-à-dire une collection d'eau qui peut être là aussi très variée, mais pas n'importe quoi. Pour, selon les espèces, tout ceci est bien défini. C'est toujours de l'eau stagnante, hein? Pas toujours. Parfois, c'est dans des eaux courantes, mais enfin, quand c'est un torrent, c'est dans des endroits les plus calmes qu'elle va déposer ses œufs. Et puis, au bout de quelques temps, quelques jours, les œufs vont éclore et libérer des larves. Ceci dit, il faut quand même noter ça, parce que c'est très important sur le plan épidémiologique, qu'il y a un certain nombre d'espèces qui déposent des œufs qui supportent la dessiccation, c'est-à-dire qu'elles les pondent au niveau de ce qu'on appelle un gîte potentiel, un gîte qui n'est pas en eau au moment de la ponte. Mmh. Et donc, ceci, dans des zones où le régime des pluies est un peu aléatoire, les œufs vont rester cuiescents et vont éclore à la première pluie. La première pluie, le gîte en question va se mettre en eau, et là, les œufs vont éclore en quelques heures, tout de suite. Alors, il y a 4 stades larvaires successifs qui vivent dans l'eau, et après se produit le phénomène de l'émergence, qui est un phénomène très, très particulier, où l'insecte passe de l'état nymphal à l'état adulte, de la vie aquatique à la vie aérienne, et d'un stade qui... au stade larvaire, elle se nourrit de bactéries, de petites algues, de protozoaires. Et là, tout d'un coup, il va devenir hématophage, si c'est une femelle. Donc, c'est vraiment un changement total, profond, complet, qui se passe dans la vie de l'insecte. Et l'insecte va après vivre, disons, en gros, 3 semaines, 1 mois, si tout va bien, si je puis dire. Et on verra que cette durée de vie a son importance dans le cadre des maladies à transmission vectorielle. Encore un petit mot pour bien faire connaissance complètement avec ce moustique. Si les femelles sont hématophages, les mâles, de quoi se nourrissent-ils ? Les mâles, ils sont beaucoup plus bucoliques. Ils vont butiner des fleurs, par exemple. Parce que les moustiques sont pollinisateurs. Les moustiques sont pollinisateurs à cette occasion. Mais ils vont aussi se nourrir de jus sucré qu'on trouve dans les plaies des arbres, qu'on trouve dans des matières végétales qui se décomposent, des matières organiques, etc. Ça leur suffit. Et les mâles, ils vivent à peu près une semaine. C'est pas glorieux, mais c'est comme ça, c'est comme chez nous. Les mâles vivent nettement moins que les femelles. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons des moustiques tout au long de cette heure, en compagnie d'Éric Orsena et de François Rodin. Éric Orsena, donc, puisque vous publiez La géopolitique du moustique, petit précis, de Mondialisation 4 avec Isabelle de Saint-Aubin chez Fayard. Vous dites, ce qui vous a intéressé en premier lieu, c'est avant tout l'épidémiologie. De quoi, justement, l'épidémiologie de l'ensemble de ces maladies à transmission vectorielle du moustique est-elle la résultante, le témoignage, le signe? Mais d'abord, c'est que les moustiques se moquent complètement des frontières administratives. Les moustiques se moquent complètement de la différence des continents. Parce que les moustiques, ils peuvent circuler justement grâce, notamment, aux propriétés de ces œufs. Puisqu'ils peuvent rester longtemps, à peu près desséchés. Et puis, dès qu'il y a un peu plus d'humidité, ils peuvent éclore. On dit que le moustique tigre qui venait d'Asie et s'est installé en Amérique du Nord dans un stock de vieux pneus qui avait été vendu par des Asiatiques aux Texans. Et comme dans les pneus, c'est un peu difficile de retirer un peu toute l'humidité, puis il y a eu de l'humidité un peu plus, donc il est arrivé là. Donc, et puis, évidemment, les parasites se sont transportés à chaque fois qu'il y avait des bateaux, par exemple. Et les premiers moustiques africains sont arrivés en Amérique latine sûrement par les bateaux négriers et qui transmettaient à ce moment-là les parasites. Donc ça, c'est le premier dédain des frontières. Le deuxième dédain qui m'a énormément intéressé, c'est que au fond, ce ménage à trois entre le moustique qui est l'hôte, le parasite et puis le vertébré font que les frontières entre les espèces sont bousculées sans arrêt. Et puis il y a un troisième point qui est très intéressant en termes de santé, c'est que vous ne pouvez pas avoir une bonne santé des êtres humains si vous n'avez pas en même temps une bonne santé des animaux. Et en même temps, si vous n'avez pas une bonne santé de l'environnement. Mmh. Donc ce qu'on appelle maintenant le phénomène de la santé globale, cette santé globale, c'est le lien à trois. C'est-à-dire, c'est une planète d'associés pour le meilleur et pour le pire. Mmh. C'est ça qui m'a passionné, vous voyez. François Rodin. Finalement, Eric Orsenna le dit très bien, c'est l'homme qui a assuré la réussite du moustique, et ceci à partir du néolithique. Mmh. Les contacts se sont noués au néolithique, l'environnement a été totalement modifié par l'agriculture, par l'élevage, par la poussée démographique qui s'est développée au néolithique de façon très, très, très claire, très, très forte. Et tout date de ce moment-là. C'est une période absolument charnière qui a duré quelques milliers d'années. C'est à partir de ce moment-là que, comme certains l'ont dit, l'homme a pris en charge l'organisation de la nature, en quelque sorte. Il a tout bouleversé, et ça continue aujourd'hui, c'est la mondialisation, avec effectivement les transports, les déplacements, l'urbanisation, la démographie qui continue, l'élevage. Tous ces facteurs mis ensemble ont considérablement favorisé les contacts entre les moustiques et les hommes et la transmission d'un certain nombre de maladies. Et puis, il y a la question aussi de l'épidémie, parce que on avait tendance, nous, les pays du Nord, à nous considérer comme tranquilles. Donc, dans un monde tempéré de tous les points de vue, tranquille. Et puis, du fait des voyages, du fait des modifications climatiques, on s'est rendu compte qu'on était concernés et que c'était pas seulement exotique. Et il y a cette définition qui est terrible d'une maladie émergente. Qu'est-ce qu'une maladie émergente ? C'est une maladie qui commence à toucher un pays riche. Mmh. Et tant que, par exemple, il y avait des maladies en Corée, mais qu'il n'y avait pas des soldats américains en Corée, on se moquait complètement de ce qui se passait en Corée. Pareil en Argentine. Et donc, quand ça commence à nous toucher, nous, on a peur. Qu'il y ait des moustiques tigres en Asie, tout le monde s'en fout. Mais quand on sait que des moustiques tigres, qui sont donc des porteurs potentiels de virus parasites extrêmement méchants, de la dengue, du chikungunya, du Zika, et qu'il y en a dans 30... Du West Nile aussi. Qu'il y en a dans 30 départements français, on dit, oh là là, mais est-ce qu'on n'aurait pas une sorte de solidarité de fait des questions médicales. C'est-à-dire que l'histoire du moustique raconte aussi une certaine histoire des relations nord-sud. C'est pour ça que, dès le début, je me suis dit, tiens, est-ce que quand une femelle moustique vous vrombit à l'oreille, écoutons son histoire avant de l'écraser. Et c'est ce qui signifierait, François Rodin, que le succès évolutif du moustique, ça n'est pas tant un succès adaptatif, c'est grâce à nous. C'est à l'homme qu'il le doit, plus qu'à sa capacité d'adaptation. C'est quand même à sa capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'il s'est adapté à des conditions créées par l'homme. Nous ne devons pas nous croire à l'abri maintenant de quoi que ce soit. Et tout ce qui arrive en un point quelconque du globe, fût-ce en Nouvelle-Zélande, ça peut nous arriver sur le coin de la figure en quelques heures avec nos capacités de déplacement actuellement. Donc ça veut dire qu'il faut que nous surveillions beaucoup mieux que nous faisons actuellement les situations épidémiologiques, parce que il peut arriver n'importe quoi et à ce moment-là, on est toujours surpris. C'est pas normal. On devrait surveiller beaucoup mieux de façon à ne pas être en position de réagir après coup. Parce qu'en santé publique, après coup, c'est trop tard. On va parler un peu justement de ce qu'on appelle de ces maladies à transmission vectorielle, c'est-à-dire des maladies qui ont besoin d'un vecteur pour passer à l'homme. Rappelez que, je le disais tout à l'heure en introduction, que le moustique est responsable indirectement de 750 000 décès par an, très très loin devant le requin qui tue 10 malheureuses personnes dans l'année, mais surtout devant l'être humain lui-même. Le moustique tue plus que l'homme. L'être humain tue en lui-même 425 000 morts. Vous le disiez tout à l'heure, Eric Orsenna, trois grands groupe de pathogènes que transportent les moustiques, trois grands types de maladies, des virus, des filaires et des parasites en fait. Les parasites, les parasites au sens strict, il y a les petits protozoaires. Et ça c'est le paludisme, avec des falciparum, il y en a la malaria, le mauvais air, on disait que c'était des miasmes. En fait, ce n'est pas des miasmes, c'est des petites bêtes qui arrivent et qui commencent à s'installer dans les cellules du foie et qui commencent à les faire exploser, entraînant toutes sortes de troubles. Donc, il y a déjà cette première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les virus, toutes sortes de virus. Mm-hmm. Alors, on connaît le plus chikungunya, West Nile, Zika, dingue. La dingue est quand même une maladie terrible qui touche potentiellement à peu près la moitié de l'espèce humaine. Mm-hmm. Et donc, qui est très, très compliqué parce que le deuxième accès de dingue est en général plus méchant que le premier. C'est-à-dire, en général, quand on a une maladie, on est débarrassé au moins. Si on survit à cette première accès, on est, voilà. Et puis, il y a des petits vers qui sont les filaires qui entraînent toutes sortes de troubles aussi. Donc, vous voyez, donc le moustique, cette minuscule petite bête, transporte des tas d'agents très malveillants. Très, très, très pathogène, bien sûr. Un mot sur le cycle, François Rodin, de ces maladies qu'on appelle la transmission vectorielle. Il est toujours le même, quel que soit l'agent pathogène qui est pris par le moustique. C'est un cycle compliqué, en fait. Dans le livre que j'ai publié il y a un an, là, à peu près, mon objectif était justement de montrer comment fonctionne un système vectoriel et comment fonctionne la circulation des agents infectieux dans les conditions de la nature. Est-ce que, cher François, est-ce que vous pourriez rappeler le titre de votre livre ? Parce que c'est une Bible. Eh bien, la Bible, elle s'appelle « Le parasite, le moustique, l'homme et les autres. » Les autres étant tous les autres animaux qui sont impliqués. C'est ma Bible. Si vous voyez l'état c'est aux éditions de votre livre, pour nos auditeurs. Si vous voyez l'état Absolument. De votre livre, dans quel état il est, complètement déchiqueté, stabiloté, annoté, tout ça. Je vous en offrirai un autre. Alors, racontez-nous un peu ces cycles, justement, de maladies à transmission vectorielle, François Rodin. Oui, parce que le moustique ou un vecteur, d'une façon générale, c'est pas comme on le croit souvent, une simple seringue. C'est-à-dire que c'est pas un animal hématophage qui va prélever un agent infectieux en piquant un vertébré infecté et le transmettre quelque temps après à un autre. Non, il y a tout un cycle de développement du parasite, du virus, de la bactérie, du protozoaire, de la filaire, qui se déroule dans l'organisme du moustique et qui ne peut se dérouler que là, donc le moustique est obligatoire. À ce moment-là, le moustique est le vecteur, d'une façon générale, est obligatoire. Et c'est un cycle qui demande, suivant les systèmes parasites vecteurs, une dizaine de jours à peu près. Et au bout de cette dizaine de jours, le moustique est infectant, c'est-à-dire qu'il est à même de transmettre le parasite en question à tous les autres hommes ou animaux qu'il va piquer par la suite. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est important de connaître la durée de vie, parce que la durée de vie va permettre de savoir combien d'animaux ou d'hommes vont être piqués par la suite. Éric Orsenin. Oui, c'est passionnant parce qu'il faut savoir l'âge du moustique, parce que si le moustique est très jeune, il n'a pas eu le temps d'incuber, en quelque sorte. Voilà. Et donc les parasites n'ont pas eu le temps, ou les virus n'ont pas eu le temps de monter vers les glandes salivaires. Donc vous êtes piqué, mais vous ne serez pas contaminé, premièrement. Et deuxièmement, le réchauffement climatique, en tout cas les modifications climatiques, ont tendance à accélérer plutôt ce processus de maturation et du moustique et des phénomènes à l'intérieur. Donc, comme toujours, on est dans la méthode scientifique, donc on voit les interactions. Et donc, encore une fois, c'est pas juste mécanique, c'est des interactions sans arrêt. On va pas, évidemment, pas faire dans cette émission la liste exhaustive de toutes les pathologies que peut transmettre le moustique. On peut dire tout de même un mot, parce que le paludisme, qui a été un sujet de santé majeur depuis qu'effectivement on s'y intéresse, comme vous le disiez tout à l'heure, Éric Orsenin, est tout de même en forte réduction, hein, entre 2000 et 2015, le nombre de morts est passé de plus d'un million à 425 000, donc réduit de moitié. En revanche, ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est la dingue, vous le disiez. Alors, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette réduction a été faite par des méthodes assez simples, qui sont des méthodes de prévention. C'est-à-dire, d'une part, il faut se débarrasser le plus possible des gîtes larvaires, c'est-à-dire de la première étape de la vie des moustiques. C'est-à-dire, si vous vous débarrassez de tous ces endroits où il y a des eaux principalement stagnantes, vous n'aurez pas de moustiques, puisqu'ils ne pourront pas pouvoir se développer. Donc, par exemple, dans les jardins, s'il y a des flaques, par exemple, il y a des piscines qui sont mal gérées, par exemple, il y a des pots de fleurs qui restent humides, il y a des canettes de bière qu'on laisse, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième grande action, c'est évidemment les moustiquaires. Mais les moustiquaires imprégnés de répulsif. Parce que si vous imprégnez pas la moustiquaire, le moustique, il est attiré par votre CO2. Il attend tranquillement, et puis dès que vous sortez pour pisser, boum, vous êtes piqué. Et on va voir d'ailleurs qu'en se débarrassant des moustiques, on l'a fait parfois de façon un peu brutale ou un peu écologiquement suspecte. Un mot d'ailleurs assez amusant, parce qu'il y a encore beaucoup d'études, la dernière est assez récente, je crois, François Rodin, pour essayer de comprendre pourquoi certaines personnes attirent plus que d'autres des moustiques. Et c'est tout un ensemble de facteurs assez complexes. Hein. Oh, c'est très complexe. On est loin de comprendre exactement pourquoi. Tous les mécanismes qui font que certains attirent plus que d'autres. C'est quelque chose qui est... C'est très difficile à étudier. C'est une chose qui est assez évidente et tout le monde l'observe chaque jour. Mais quand on essaye de comprendre pourquoi, et même quand on essaye de mettre ça en évidence, eh bien c'est difficile. Quand je me souviens très bien, quand j'étais jeune... on faisait dans les enquêtes entomologiques, on faisait des captures sur homme, des récoltes sur homme. Il était important de choisir des captureurs qui attirent, bien entendu. Donc on a essayé longtemps, souvent, de sélectionner des gens qui attirent plus que d'autres ou moins que d'autres, etc. Et à chaque fois, on n'y arrivait pas. C'est vraiment très compliqué. Très compliqué. Ça a à voir, d'après les dernières études, avec le microbiote épidermique. C'est ah oui, certainement. Ouais. Bien sûr. Notre peau est couverte de bactéries, de virus, de quantité de choses qui, effectivement, soit font que la peau dégage certaines substances, certaines odeurs, etc., qui attirent plus. On connaît très très mal, mais c'est important aussi de mener des recherches là-dessus parce qu'on essaye de mettre au point des pièges à moustiques qui sont des pièges à odeurs, entre autres. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Talking about heaven glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. You slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say. I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of bull weavers. Vous avez reconnu certainement la voix rauque et puissante de Nina Simone qui chante Funkier than a Mosquito's Tweeter. Vous écoutez la méthode scientifique. Vous entendez le rire d'Éric Orsenna et de François Rodin, nos deux invités du jour, pour parler des moustiques, nos deux invités dissipés, mais ça donne une émission animée. Et puisque dans cette dernière partie, nous avons évoqué ces maladies à transmission vectorielle, eh bien, nous allons un peu voir comment on travaille sur les moustiques précisément en laboratoire. Hein, vous allez entendre, travailler sur les moustiques, c'est un peu comme travailler sur des armes biochimiques ou dans un laboratoire nucléaire militaire. Ce sont des labos sous haute sécurité, à pression négative. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous qui ne craignez jamais le danger, vous êtes allé à la rencontre de l'une, on peut dire de l'une des héroïnes du livre d'Orsena, vous l'évoquiez tout à l'heure, Anna Bellafalou, qui est également l'élève de François Rodin. Oui, Anna Bellafalou est entomologiste médicale à l'Institut Pasteur et elle est responsable de l'équipe Arbovirus et Insectes à Vecteurs. Cette équipe collabore avec les instituts Pasteur des 5 continents et accueille des chercheurs venus de tous les horizons, puisque le moustique est mondialisé. Anna Bellafalou m'a fait visiter ce qu'on pourrait appeler, si on invente un mot, la mousticothèque de son laboratoire, c'est-à-dire l'endroit où sont épinglés dans des boîtes 9000 spécimens de moustiques de plusieurs espèces. Mais avant de rentrer dans ce lieu vraiment étonnant, on a observé les caméras de surveillance du laboratoire P3 utilisé par l'équipe Arbovirus et Insectes à Vecteurs. Dans ce laboratoire confiné, les chercheurs manipulent toute une gamme de virus transmis par les moustiques pour comprendre leur fonctionnement. Mais les chercheurs de l'équipe d'Anna Bellafalou ne s'arrêtent pas là. Ils cherchent aussi des solutions pour empêcher la prolifération des moustiques et des maladies qu'ils véhiculent. Donc en fait, cette caméra nous permet de surveiller ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc le P3, où les gens sont en combinaison comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait, ils manipulent le virus et les moustiques qui vont infecter. Et donc ce sont des cages à moustiques. On va attendre l'image d'après. C'est des cages à moustiques dans lesquelles en fait, on met des boîtes en carton qui contiennent des moustiques qui ont été infectés artificiellement. Et quels virus sont étudiés là-bas? Alors, on a une liste assez impressionnante de virus. En fait, tous les virus transmis par des arthropodes, des arbovirus. Vous avez la dengue, vous avez le chikungunya, vous avez le zika, vous avez la fièvre jaune, la fièvre de la vallée du Rift et le virus West Nile. Donc ça fait quand même beaucoup. On infecte là, dans ce P3, des Aedes, Aedes aegypti, Aedes albopictus, et également Culex pipiens. On va aller dans le grand laboratoire. Et dans le grand laboratoire, où tout le monde travaille en général, voilà, c'est le laboratoire classique. Mais la particularité que nous avons, c'est que nous avons, on travaille sur les moustiques. Donc nous avons une collection de moustiques. Alors derrière cette porte, en fait, vous avez la collection des moustiques de l'Institut Pasteur. Voilà, on allume. Vous voyez, ça sent. Ça sent l'odeur du créosote de hêtre qui est en fait utilisé pour pouvoir conserver des moustiques. Et nous avons également des boîtes avec des adultes et des larves de moustiques. Donc en fait, cette collection, c'est une collection qui est très très vieille. Hein. Ils sont dans des boîtes. Hein. Alors ouais. Ça s'ouvre comme ça. Voilà. Il est beaucoup avec des larves dedans. Et ensuite, après, il y a des boîtes de moustiques. Par exemple, là, j'ouvre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est la surprise à chaque fois. Oui, c'est une boîte en carton. Et les moustiques sont installés sur des petites pastilles et que ces petites pastilles sont épinglées dans une boîte. Donc, en fait, on les classe en fonction de l'espèce, du genre. Et de cette façon-là, on arrive à définir qui est qui. Et ça nous permet, d'une certaine façon, d'utiliser cette boîte pour identifier les moustiques qu'on capture sur le terrain. Et là, il y a quelles espèces, du coup? Alors, c'est des anopheles. Les anopheles qui sont... Il y a Anopheles clavigère, Anopheles plubeus. Donc, ce sont des vecteurs potentiels de la malaria, c'est-à-dire Plasmodium falciparum, qui est responsable du paludisme. Là, c'est un autre genre, c'est le genre Culex. Alors, ces moustiques ont la particularité de piquer la nuit. Donc, le moustique à Paris qui vous pique dans le métro ou la nuit, c'est le Culex, Culex pipiens. Mais heureusement pour nous, il n'est pas vecteur en Europe de quoi que ce soit. Comment se passe votre travail au quotidien, à vous? Qu'est-ce que vous cherchez et comment vous cherchez avec ces petits insectes-là? On travaille en entomologie médicale, donc essentiellement des insectes qui ont un intérêt pour la santé humaine. Donc nous avons ces spécificités de travailler sur des arbovirus, donc des virus transmis par des arthropodes. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des moustiques. Donc on va aller sur le terrain, récolter les moustiques, on les ramène à l'Institut Pasteur à Paris, on va les élever pour pouvoir les infecter avec les virus qu'on aura isolés des patients. Et on va, une fois que la femelle a pris le sang, surveiller en fait le devenir de ce virus dans le moustique en disséquant le moustique. Alors, si on trouve du virus dans les glandes salivaires, ça veut dire que la femelle de moustique est capable peut-être de pouvoir libérer du virus quand elle va piquer à nouveau, puisqu'elle va saliver. Donc, elle va émettre de la salive, et dans cette salive, il y aura du virus. Donc, en fait, notre spécificité dans notre groupe, c'est pouvoir comprendre en fait ce qu'on appelle la transmission vectorielle. Pourquoi un moustique dans un endroit donné est capable de transmettre ce virus, et pourquoi ce moustique de la même espèce dans un autre endroit n'est pas capable de transmettre. Donc, il y a certainement quelque chose dans ce moustique qui fait qu'il y a un blocage de la transmission. Il faut qu'on arrive à déterminer ce blocage. On peut peut-être imaginer par la suite un outil de lutte, de contrôle de ce genre de maladie. Quelles sont les pistes qui sont concrètement suivies pour éradiquer les moustiques ou en tout cas limiter leur effet infectieux? Et est-ce que vous-même, vous travaillez sur ces questions-là? Il y a très peu de vaccins. Il n'y a pas de traitement spécifique. Le seul moyen, c'est de lutter contre le moustique en diminuant ses densités. Donc aujourd'hui, on utilise des insecticides. Sauf qu'on a très peu de molécules insecticides qui sont disponibles. Et en plus, les populations de moustiques ont développé des résistances vis-à-vis de ces insecticides. Donc, on se retrouve dans une situation, on ne sait pas comment faire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a un pan de la recherche qui développe en fait une méthode alternative, et notamment manipuler le moustique de façon à ce que soit le moustique meure précocement, ou soit le moustique est incapable de transmettre un agent pathogène. C'est ce qu'on appelle les moustiques génétiquement modifiés. Je sais que ça fait peur, mais je pense que la recherche doit être faite dans ce sens-là pour essayer de comprendre si on peut développer ce genre d'outils, parce que dans l'avenir, on n'aura plus d'autres moyens pour pouvoir lutter contre le moustique à l'image de ce qui se passe aujourd'hui pour les antibiotiques. Il y a une communauté scientifique qui travaille là-dessus, et notamment chez nous, dans notre laboratoire, nous avons quelqu'un qui vient de Taïwan et qui travaille en fait sur un moustique Aedes aegypti, qui est le vecteur de la dengue et du chikungunya, qui a été manipulé génétiquement pour le rendre en fait incapable de transmettre le virus. Alors comment ça se passe? En fait, on a exacerbé l'immunité du moustique de façon à ce que le moustique, dès qu'il s'infecte en prenant un repas de sang sur quelqu'un qui est malade, ce moustique va nettoyer d'infection. Donc ce moustique est prêt, on l'a étudié, il est capable de le faire. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'essayer d'utiliser ce moustique dans un essai contrôlé sur le terrain. Voilà, et heureusement que François Rodin est avec nous pour corriger nos erreurs, en tout cas les miennes. Cette bibliothèque de moustiques ne compte pas 9000 spécimens de moustiques, comme je l'ai dit, mais bien 90 000 spécimens. Merci pour la précision. Voilà, c'était le reportage d'Antoine Beauchamp. On entendait à la fin du reportage, et c'est ce dont j'aimerais qu'on parle avec vous deux, François Rodin et Eric Orsena, dans le dernier quart d'heure qui nous reste, de la question de l'éradication. On a entendu qu'on commence à mettre au point aujourd'hui des moustiques génétiquement modifiés qui, du coup, ne sont plus vecteurs. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est la voie dans laquelle il faut s'engager pour mettre un terme, non pas à l'existence du moustique, mais en tout cas aux nombreuses maladies graves qu'il transmet? Oui, indiscutablement, c'est une voie de recherche qui est très intéressante. Annabella Fayou l'a très bien dit, nous sommes face à un problème tel avec les résistances aux insecticides qu'il faut bien trouver autre chose. Pour l'instant, les insecticides, on peut difficilement s'en passer. Mais... Il faut dire que l'une des qualités du moustique, c'est de muter facilement et donc de résister très facilement aux insecticides. Oui, plus ou moins selon les espèces de moustiques et selon les familles chimiques d'insecticides, mais c'est vrai que c'est un problème quasiment insoluble. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Et toutes ces voies qui font partie de ce qu'on appelle la lutte génétique, sont intéressantes à explorer. Le mécanisme dont je parlais tout à l'heure de développement des parasites à l'intérieur de l'organisme du moustique, ce sont des mécanismes qui sont sous dépendance génétique. Ce qui veut dire qu'à chacune des étapes du développement de l'agent infectieux, il y a un ou plusieurs gènes qui interviennent pour permettre ce développement ou au contraire l'arrêter. Donc, la recherche consiste à essayer d'identifier le ou les gènes qui sont impliqués à chacune de ces étapes, voir comment on peut intervenir dessus, comment on peut modifier génétiquement ces moustiques de façon à ce qu'il y ait un blocage, à ce qu'une de ces barrières soit totale. et que le moustique, donc, ne soit plus vecteur. Il y a eu des expériences qui, grâce notamment à ce nouvel outil qui fonctionne extrêmement bien et qui est utilisé à de grandes échelles, le CRISPR-Cas9, de rendre des moustiques résistants au paludisme. Ça a un nom, cette pratique s'appelle le forçage génétique. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Attention, on est en train de créer des organismes génétiquement modifiés, des moustiques OGM, et on ne maîtrise pas encore bien ce que ça peut produire à l'échelle planétaire. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut se méfier? Est-ce qu'il faut faire intervenir le principe de précaution? Est-ce qu'il faut être vigilant avec ces outils de forçage génétique, François Rodin ? Bon, qu'il faille être vigilant, ça va de soi. Ceci dit, il ne faut pas non plus exploiter la peur des gens avec les fameux OGM. Des OGM, il y en a partout, on en a fait tout le temps. Nous en sommes nous-mêmes, les moustiques en sont. Il faut surveiller bien ce qu'on fait, bien entendu, mais il faut absolument faire avancer la recherche dans ce domaine, il n'y a pas de doute. Éric Orsenna, votre point de vue sur ces méthodes de forçage génétique ? Il y a deux choses, mais je parle sous le contrôle de mon professeur. La première chose, c'est qu'il y a deux modes d'action. Il y a soit vacciner les moustiques, d'une certaine manière, soit développer leur capacité d'immunologie pour répondre à l'arrivée du parasite. Ça, pourquoi pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut leur insérer des bactéries qui bloquent ce développement. Et il y a une bactérie qui s'appelle la Wolbachia. Il y a des tas d'études qui sont faites dans ce domaine-là, avec des tas d'exemples un peu partout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éradiquer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moustiques du tout. Plus de moustiques du tout, ça pose quand même des tas de problèmes. Parce que c'est dans la chaîne génétique, ça a une vraie fonction, à la fois dans le stade aquatique et puis dans le stade qui est le stade aérien. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans le premier temps, ça participe à la dépollution. En plus, ça nourrit les batraciens. Et dans le stade aérien, ça nourrit beaucoup les oiseaux aussi. Donc, il y a ce mécanisme-là. Et les chauves-souris. Et beaucoup les chauves-souris. Donc, on se demande. Et puis, si on supprime un des éléments de la chaîne, en dehors des famines que ça pourrait causer, on se demande comment ça va remplacer et quels seront les nouveaux hôtes que les virus pourraient trouver. La question du gene drive, du forçage génétique est un peu différente. C'est la deuxième étape qui est une application du CRISPR-Cas9. C'est que là, on bouscule les lois de la génétique, c'est-à-dire la dispersion. C'est-à-dire on peut vraiment, en très peu, au fond, de génération, éradiquer complètement une espèce. Et là, pour moi, enfin, moi, je ne suis que, vous savez, reporter. Et donc, c'est assez différent. C'est dans des zones assez clairement déterminées, pourquoi pas. C'est une technique qui existe déjà, du mâle stérile. Ça s'est passé pour les mouches. On stérilise les mâles, on les lance dans la nature. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que les femelles sauvages préfèrent les mâles sauvages. Et elles préfèrent les bad boys. Il y a des expériences qui ont été menées dans l'état de Bahia, par exemple, au Brésil, mais aussi au Panama ou dans les îles Caïmans, de forçage génétique avec, comme vous venez de le dire, Éric Orsenna, l'introduction d'un gène récessif de stérilité chez le mâle, et qui voit des chutes brutales de la population de l'ordre de 90%. Alors évidemment, ça pose des questions de supprimer. Ce serait une première dans l'histoire de l'humanité volontaire de supprimer, parce qu'il y a d'autres espèces qui ont été massacrées, mais ça n'est pas la même chose, là, de supprimer grâce à l'ingénierie génétique une espèce. La question, c'est est-ce que le moustique, François Rodin, occupe une niche écologique imprenable. Est-ce que, en disparaissant, s'il était éradiqué, il libérerait une niche écologique qui deviendrait vide? Est-ce qu'il créerait un déséquilibre dans l'ordre de la chaîne alimentaire et des équilibres écologiques? Bon, c'est une question qui est posée à chaque fois qu'une espèce disparaît. On se demande par quoi elle va être remplacée. Ça, c'est vrai. Elle est toujours remplacée par quelque chose. Elle est toujours remplacée par quelque chose. Ceci dit, je crois qu'on est très loin de pouvoir éradiquer même une espèce de moustique actuellement. Peut-être grâce à la recherche, on arrivera dans un certain nombre de zones, dans des régions isolées. Et beaucoup de ces expériences se font dans des îles où les risques de recolonisation sont relativement faibles. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ensuite, si un moustique disparaît, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, il joue un rôle dans la nature. Il est mangé, il sert de nourriture à un certain nombre d'animaux. Il transmet pas seulement des maladies aux hommes, mais il transmet aussi des maladies à certains animaux qui sont considérés, à tort ou à raison, comme nuisibles. Donc, de ce fait, participe à la régulation d'autres espèces. Absolument, c'est une question d'équilibre qui est en changeant perpétuellement. Donc ça peut avoir effectivement un certain nombre d'inconvénients, mais qui sont vraisemblablement, enfin, tel que je vois les choses, des inconvénients relativement mineurs par rapport à l'inconvénient majeur que représentent des maladies transmises par moustiques. Donc je crois que notre but actuellement, c'est moins d'éradiquer totalement un moustique que d'en abaisser suffisamment la population pour qu'il devienne tolérable, je dirais, par l'espèce humaine ou par les animaux domestiques. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission et pour conclure, cher Eric Orsena, puisque vous êtes dans une émission qui s'appelle La méthode scientifique, nous allons vous soumettre à une petite expérience à l'aveugle. Écoutez. Bonjour mon cher Eric. Ne penses-tu pas aujourd'hui que face aux problèmes qu'il rencontre, l'humain devrait perdre beaucoup de son arrogance et s'inspirer du vivant, s'inspirer de cette nature qui nous entoure pour faire beaucoup mieux que ce qu'il arrive à faire aujourd'hui? Vous avez reconnu cette voix? C'est monsieur Gilbeuf. C'est mon autre professeur. Ça, c'est mon professeur de vie. Vous savez, ma formation, c'est d'être économiste, c'est-à-dire quelqu'un de peu de savoir et de beaucoup de certitude. Et donc, lui, Gilbeuf, qui a été longtemps le président du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est mon professeur. Donc, il m'explique des tas de choses, notamment cette chose passionnante qui est le biomimétisme, c'est-à-dire le fait que, imiter la nature pour trouver des solutions à nos questions. Et donc, je suis très frappé de ce qu'il dit, c'est-à-dire que au lieu d'être en position de maîtrise, être en position d'association avec la nature, de pas maîtriser la nature, mais vraiment en position d'association. Et ça me donne le rappel de mes expériences de navigation. Je navigue depuis que je suis enfant, et on s'aperçoit que les bons barreurs sont ceux qui sont en association avec la mer. C'est-à-dire, il faut être à la fois humble et déterminé. Humble, parce que celui qui pense qu'il est plus fort que la mer ou plus fort que la nature, c'est un imbécile infréquentable. Mais celui qui n'est pas déterminé, il mène pas sa vie. Et donc, il y a une sorte de dialogue entre l'humilité et la détermination. Et donc, c'est vraiment une des choses que j'ai vraiment comprises. J'ai compris aussi en écrivant ce livre que, au fond, la vie, c'est l'intranquillité. C'est la remise en cause perpétuelle. C'est la conclusion. Rien n'est acquis pour toujours, pour tout le monde. Et toujours, moi, ce qui me frappe, c'est cette histoire des deux planètes. Une planète qui dit à l'autre, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai chaud et puis il y a des sortes de petits personnages qui me piquent sans arrêt la peau, c'est insupportable. Et la deuxième planète lui répond, c'est pas grave, tu sais, c'est l'espèce humaine, ça passera. C'est-à-dire, et rien n'est plus bête que de dire sauvons la planète. Mais la planète s'en fout. C'est nous que nous sauvons. C'est pas la planète. La planète, elle nous a précédés et elle continuera après nous. Vous voyez, c'est ce genre de choses que j'ai vraiment appris et d'une vision aussi. Un autre élément, c'est que en économie, vous apprenez la linéarité, la croissance, c'est-à-dire vous prélevez, vous fabriquez, vous jetez. Et là, on entre dans une situation beaucoup plus circulaire. Et vous apprenez notamment une chose tout à fait évidente, que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout est recyclé. Le cœur de l'affaire, c'est Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est ça la vie. Donc, c'est Anaxagore d'ailleurs à l'origine. Oui, la fille qui reprenait évidemment. Mais donc, vous savez, j'ai attendu en gros plus de 60 ans pour comprendre ces mécanismes de base de la vie. Donc, mieux valait tard que jamais. François Rodin, mot de conclusion. Autrement dit, avec les moustiques, comme avec beaucoup d'autres choses, il faut que nous apprenions à vivre avec, il faut faire avec. Ce qu'il faut, c'est apprendre à le faire le plus intelligemment possible, c'est tout. Eh bien, ce sera la deuxième conclusion de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour cette passionnante émission autour du moustique. Hein. Nous vous l'avons ouverte sur le portrait terrifiant d'un serial killer et nous la concluons sur, finalement, l'abolition de la peine de mort. Pour le moustique, en tout cas, merci beaucoup Eric Orsena. Vous êtes l'auteur avec Isabelle de Saint-Aubin de Géopolitique du moustique, petit précis de mondialisation 4, c'est chez Fayard. François Rodin, Le parasite, le moustique, l'homme et les autres, essai sur l'éco-épidémiologie des maladies à vecteurs, c'est aux éditions 2-6. Dans un instant, le journal de 8h, on se retrouve samedi prochain à 7h, jusqu'à preuve du contraire.